charme discret, ce calme plat. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le lundi 8 octobre, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et nous on commence tout de suite en souhaitant une bonne fête aux Pélagies, ça vient du grec signifiant haute mer. Quel magnétisme! Sans aucun doute, Pélagie possède une personnalité hors du commun, à la fois sensible, affective et très émotive, elle n'en demeure pas moins une femme d'envergure. Faite pour prendre à pleine main les rênes de sa destinée. Particulièrement active, Pélagie est volontariste, entreprenante, audacieuse et combative. La difficulté stimule même cette passionnée aux yeux de qui l'émancipation féminine n'est pas un vain mot. C'est une individualiste forcenée qui s'enflamme et cherche à s'affirmer et à se réaliser en s'imposant. Appartenant en général au signe de feu, elle est d'un caractère colérique. Si elle n'a pas des moyens à la hauteur de son ambition, elle se révélera agressive, autoritaire ou dictatoriale, à moins qu'elle ne vive ses idées de grandeur par personne interposée, en l'occurrence au travers de son compagnon qu'elle stimulera et dynamisera. La coexistence du 1 et du 2, pardon, peut lui conférer un caractère cyclotimique avec alternance de phases d'emballement, d'enthousiasme, d'hyperactivité suivie de périodes de passivité, de laisser-aller, plus rare néanmoins. La motivation est son mot-clé. Plutôt qu'une intellectuelle, Pélagie est une femme d'action qui possède un esprit pratique et le sens du concret et du matériel. Elle est faite pour réaliser. Matérialiste et pratique, même si elle est aussi idéaliste, elle est douée pour les affaires. Rapide, impatiente et pressée, elle n'a pas toujours le sens des nuances. Elle s'emporte et fait souvent preuve d'intolérance. Dicton du jour, Sainte Pélagie, une bonne stratégie, un peu de magie, c'est parti pour une nuit d'orgie. Pas de célébration internationale aujourd'hui et ça s'est passé en 8 octobre en 1600, la République de Saint-Marin adoptait sa constitution, la plus ancienne connue et encore en vigueur. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale. Il fêtait son anniversaire ce week-end, hier hein, d'ailleurs, Bernard Lavilliers, avec le titre « Idées noires ». Il se lève, c'est l'eau, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses? Des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique, urgent et désirant. Une blonde décapitée dans sa décapotable. Un cauchemar, highway, Patrick, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, Patrick. Idées noires, avalées par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras, je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tu ne que tu rêves de moi. Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi. Je veux m'enfuir. Tout seul tu finiras. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Bernard Lavilliers sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés en 8 octobre 1939, naissance de Paul Hogan, acteur australien devenu célèbre pour le rôle culte de Mike Dundee dans la célèbre trilogie de films Crocodile Dundee. 1946, naissance de Jean-Jacques Benex, réalisateur scénariste français à qui l'on doit Diva ou encore 37-2 le matin. 1949, naissance de Sigourney Weaver, actrice américaine connue pour son rôle du lieutenant Ellen Ripley dans Alien le 8e passager, Alien le retour, Alien 3, Alien la résurrection, vue également dans SOS Fantôme 1 et 2 dans le rôle de Dana Barrett, Le Village, Avatar dans le rôle du docteur Grace Augustine, rôle qu'elle reprendra dans Avatar 2, je vous le rappelle, sortie prévue pour 2020, et vue également dans Identité secrète. 1950, naissance de Robert Bell, musicien américain, membre du groupe Cool and the Gang. 1964, naissance de Ian Hart, acteur britannique vu dans Ennemi d'État, Mariage à l'anglaise, Harry Potter à l'école des sorciers dans le rôle du professeur Quirrell, à la télé dans Le journal d'une ado hors norme dans le rôle de Kester, le thérapeute de Ray. 1968, naissance d'Emily Procter, actrice américaine vue dans Big Mama 2, à la télé dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman dans le rôle de Lana Lang, à la Maison Blanche dans le rôle d'Ensley Hayes. On la connaît surtout pour son rôle de Kali Duquesne dans Les Experts Miami. Elle a repris ce rôle dans quelques épisodes des Experts, hein, quand les séries se sont croisées. Et vue également dans quelques épisodes de FBI, duo très spécial dans le rôle d'Amanda Calloway. 1970, naissance de Matt Damon, acteur, scénariste, producteur américain, vu dans Will Hunting dans le rôle de Will Hunting. Il faut sauver le soldat Ryan dans le rôle du soldat de deuxième classe James Ryan. Le talentueux Mr. Ripley dans le rôle de Tom Ripley. Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13 dans le rôle de Linus Caldwell. La mémoire dans la peau, la mort dans la peau, la vengeance dans la peau, Jason Bourne dans le rôle de Jason Bourne. Les frères Grimm, raison d'état, les infiltrés dans le rôle du sergent Colin Sullivan. Che, deuxième partie guérilla. Invictus dans le rôle de François Pienaar. Contagion, Monuments Men, Interstellar, Seul sur Mars dans le rôle de Mark Watney. Scénariste du film Will Hunting, co-écrit d'ailleurs avec Ben Affleck, est récompensé par l'Oscar du meilleur scénario et scénariste également de Jason Bourne et producteur de Jason Bourne. 1979, naissance de Kristanna Loken, actrice américaine vue dans Terminator 3, le soulèvement des machines, dans le rôle de la TX, la série télé The L World saison 4 dans le rôle de Paige Sobel. 1982, naissance de Juliette Chen, actrice française connue pour son rôle de Juliette Frémont dans la série Plus belle la vie, vue également dans RIS Police Scientifique, Le Mystère du Lac, Camping Paradis ou encore Demain nous appartient. 1985, naissance de Bruno Mars, chanteur américain. 1993, naissance d'Angus Turner Jones, acteur américain, connu pour son rôle de Jake Harper dans la série télé Mon Oncle Charlie. C'est également l'année de naissance de Molly Quinn, actrice américaine, connue pour son rôle d'Alexis Castle dans la série télé Castle. Aussi, naissance de Garbine Muguruza, joueuse de tennis espagnole professionnelle depuis 2011, qui a été numéro 1 mondial le 11 septembre 2017, qui a gagné une fois le tournoi de Roland Roland-Garros, une fois celui de Wimbledon, quart de finaliste à l'Open d'Australie, huitième de finaliste à l'US Open. En double, elle a été dixième mondiale en 2015, demi-finaliste à Roland-Garros, huitième de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et seizième de finaliste à l'Open d'Australie. 1997, naissance de Bella Thorne, actrice américaine, connue pour son rôle d'Ashley Gray dans Alvin et les Chipmunks à fond la caisse, vue dans la série télé Dirty Sexy Money dans le rôle de Margot Darling ou encore Les Experts. En 1953, décédé Nigel Bruce, acteur britannique connu pour son personnage du Dr Watson dans la série de films et radio Les Aventures de Sherlock Holmes. 1986, décédé Jacqueline Huet, actrice présentatrice française qui fut l'une des spiritrines les plus populaires de la télévision française. Et en 2016, on apprenait le décès de Pierre Tchernia, animateur télé et réalisateur français. On va tout de suite marquer une pause musicale avec le groupe Kool & The Gang et le titre Celebration. Celebration, Cool and the Gang sur le 107FM, pile 8h46, on parle météo. La météo. Alors, ce matin, il y a du brouillard, hein, soyez tout de même vigilants, mais celui-ci va vite se dissiper pour laisser apparaître le soleil tout au long de cette journée. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés ce matin, et cet après-midi, on aura des températures comprises entre 20 et 22 degrés. Pour mardi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 21 et 23 degrés prévus pour mardi après-midi, et pour mercredi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, et ça grimpe pour mercredi après-midi, des températures qui devraient être comprises entre 22 et 24 degrés. Oui, vous m'avez bien entendu, ce qui est quand même exceptionnel hein, pour un mois d'octobre, qui n'est pas vraiment normal non plus. Allez, voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue 1, Toulouse et Nice ont fait match nul, un but partout. Lille s'est imposé 3 buts à 1 face à Saint-Étienne. Amiens s'est imposé 1 but à 0 face à Dijon. Angers et Strasbourg ont fait match nul, 2 buts partout. Guingamp et Montpellier, match nul, 1 but partout. Nîmes et Reims, match nul, 0 partout. Bordeaux s'est imposé 3 buts à 0 face à Nantes. Marseille s'est imposé 2 buts à 0 face à Caen. Rennes s'est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse de Monaco. Et enfin, hier soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 5 buts à 0 face à l'Olympique Lyonnais. C'est Neymar qui a ouvert le score avant un quadruplé de Kylian Mbappé en pas moins de 15 minutes, ce qui nous fait 9 victoires en 9 matchs pour le Paris Saint-Germain, ce qui est un record. Et à noter que lors de cette rencontre, Nabil Fekir est sorti sur blessure. Il devrait être forfait pour le rassemblement des Bleus. Il va aller à Clairefontaine aujourd'hui pour faire constater sa blessure. Les résultats de la Ligue 2. Nancy s'est incliné à Lorient 4 buts à 1 et ce soir, Metz se déplace à Sochaux. En National 2, Épinal a décroché le match nul à Créteil, 0 partout. En National 3, Thaon-les-Vosges s'est imposé 2 buts à 1 à Bichheim et Raon-l'Étape s'est incliné 1 but à 0 face à l'Aglo Troyenne. En basket, en National 1, nouvelle défaite pour le Jet Vosges, cette fois face à Saint-Vallier, 68 à 82. Un mot de canoë-kayak avec les championnats de France des clubs et le sacre pour le club d'Épinal qui remporte ainsi son 5e titre consécutif. Un grand bravo à eux. Un mot de cyclo-cross avec la 2e manche de l'EKZ Cross Tour, c'était à Aigle. Steve Chenel a terminé 4e. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix du Japon remporté par Hamilton devant Bottas et Verstappen. Romain Grosjean lui termine 8e devant Esteban Ocon 9e et Pierre Gasly lui s'est classé 11e. Un mot de hockey sur glace en Coupe de France, premier tour et ça passe pour Épinal qui s'est imposé samedi soir à Dijon. On termine avec du tennis, 4 nouveaux tournois cette semaine. Honneur aux dames à Hong Kong aujourd'hui, Alizé Cornet affrontera Klushko, à Linz Ferro affrontera Golubic, à Tianjin pas de française sur les cours aujourd'hui et à Shanghai. Et aujourd'hui, on retrouvera Gaël Monfils face à Tsitsipas et Gilles Simon face à Cecchinato. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Bruno Mars et le titre Uptown Funk. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot.